comme nos voix. Bada bada, da bada bada, chante tout bas. Bada bada, da bada bada, nos cœurs y voient. Bada bada, da bada bada, comme une chance, comme un espoir. Comme nos voix, bada bada, da bada bada, nos cœurs y croient. Bada bada, da bada bada, encore une fois. Bada bada, da bada bada, tout recommence, la vie repart. Combien de joie, chanceux.